Chant numéro 28. Lorsque celle qui met mon âme au paradis m'eut de cette façon découvert toute nue notre vie actuelle à nous, pauvres mortels, comme au miroir paraît la lumière d'un cierge que l'on voit s'allumer soudain derrière vous, sans qu'on ait vu le cierge et presque par surprise. Nous faisons retourner pour voir si le cristal nous dit la vérité, et les trouvant d'accord comme le sont la note et le rythme du chant. Ainsi je me souviens que j'avais fait moi-même, lorsqu'enfin mon regard plongea dans les beaux yeux dont l'amour filerait où je suis prisonnier. Et m'étant retourné pour prendre connaissance de tout ce qui paraît à travers ce volume, si dans son mouvement on l'examine bien, j'aperçus certains points, d'où rayonnait si fort un éclat fulgurant que le regard qu'il touche est aussitôt blessé par son scintillement. Mais l'astre qui paraît le plus petit chez nous semblerait une lune à le mettre à côté, comme lorsqu'on compare entre elles les étoiles. À la distance ou presque à laquelle apparaît tout autour de l'éclat qui le forme un halo, à l'heure où s'épaissit la vapeur qui le porte, tout autour de ce point un cercle incandescent tournait si vivement qu'il semblait dépasser le mouvement qui ceint plus vite l'univers. On le voyait lui-même enveloppé d'un autre, qu'il était d'un troisième, ensuite d'un quatrième, celui-ci d'un cinquième et d'un sixième aussi. Le septième suivait par-dessus, mais si vaste dans ses dimensions que pour le contenir, l'envoyé de Junon serait insuffisant. Les huitième et neuvième étaient pareils. Chacun tournait plus lentement selon qu'il se trouvait porté un numéro plus loin de l'unité. Le cercle dont le feu resplendissait le plus était le moins distant de la pure étincelle, comme touchant, je crois, sa vérité de près. Madame, qui voyait que j'étais absorbé dans mes réflexions, me dit « C'est de ce point que dépendent le ciel et tout ce qu'il contient. Vois le cercle qui ceint de plus près sa nature, et sache que s'il tourne aussi rapidement, c'est grâce à cet amour dont il se sent pressé. » Moi je dis, si le monde était organisé selon les mêmes lois que je vois dans ces sphères, ce que tu viens de dire épuiserait ma soif. Dans le monde sensible, on peut voir cependant le mouvement du ciel devenir plus divin à mesure qu'il est plus éloigné du centre. Si ma soif de savoir doit avoir une fin dans ce temple angélique et digne qu'on l'admire, dont la lumière et amour sont les seules frontières, il faudrait m'expliquer la raison pour laquelle le modèle n'est pas conforme à la copie. Car pour moi, plus j'y pense et moins je le comprends. Ce n'est pas étonnant si de tes doigts tout seul, tu ne réussis pas à défaire ce nœud que le long abandon rend encore plus ardu. Ainsi parla madame, et puis elle ajouta. Prends ce que je dirais si tu veux t'en nourrir, concentre ton esprit autour de ce problème. Les cercles corporels sont étroits ou plus amples, selon qu'est plus ou moins puissante la vertu qui vient se diffuser dans toutes leurs parties. La plus grande bonté fait la santé meilleure. La plus grande santé réclame un corps plus grand, s'il peut avoir aussi des membres accomplis. Et d'autre part, ce ciel, entraînant avec lui l'univers tout entier, représente le cercle où l'amour est plus grand, le savoir plus profond. Pourtant, si tu veux bien appliquer ta mesure à la vertu qui tient dans toutes les substances qui montrent leur rondeur, non à ce qu'on m'envoie, tu pourras observer dans chacune des sphères, accord admirable et fait à leur mesure, du grand avec le plus, du petit avec moins. Comme on voit devenir sereine et transparente la profondeur du ciel, lorsqu'un enflant s'ajoute du côté qui reçoit plus souvent les caresses, Boré enlève et rend les voiles du brouillard qui l'avait obscurci, faisant rire le ciel et avec lui le cœur de toutes ses beautés. Ainsi je fis moi-même, aussitôt que Madame me fournit de la sorte une claire réponse. Et le vrai m'apparut comme une étoile au ciel. Et dès qu'elle eut fini de tenir ce discours, les cercles à nouveau scintillèrent plus fort, brillant comme le fer qu'on a tiré du feu. Tous ces éclats nouveaux tournaient avec leurs flammes, et leur nombre était tel qu'ils devaient dépasser celui que l'on obtient en doublant les échecs. J'entendais Hosanna chanter de cœur en cœur, à ce point qui les tient et les tiendra toujours rivés au même endroit qui leur fut assigné. Mais celle qui voyait que des pensées douteuses agitaient mon esprit, dit « Les séraphins restent, avec les chérubins, aux deux cercles premiers. Leur course est plus rapide, ainsi que tu peux voir, afin d'être à ce point pareil le plus possible. Et ils le peuvent bien, car ils le voient de près. Quant aux autres amours qui restent autour d'eux, du visage divin, on les appelle « trônes ». Et avec eux prend fin le premier des ternaires. Or, tu comprends déjà que leur félicité se fonde au premier chef sur l'acte de la vue et non pas sur l'amour qui passe en second lieu. Et cette même vue est résultat d'un don que la grâce produit. Avec le bon vouloir et le même ordre règne à chacun des degrés. Le ternaire suivant, qui comme le premier, s'épanouit au sein de ce printemps sans fin, que ne déflore pas le bélier de la nuit, fait résonner ici l'éternel Hosanna sur trois airs différents qu'on entend retentir dans trois ordres heureux qui font sa trinité. Dans cette hiérarchie, on trouve trois essences. Les dominations d'abord, puis les vertus, et au dernier des rangs, se trouvent les puissances. Puis dans les cœurs de joie avant-dernier, voltigent tant les principautés que l'ordre des archanges. Le troisième est formé par les anges qui jouent. Ils contemplent en haut avec intensité et triomphent en bas, tellement que vers Dieu ils sont tous attirés et ils attirent tout. C'est avec tant d'amour que Denis s'était mis à contempler ces ordres qu'il a pu les nommer et les distinguer tous, comme je viens de faire. Grégoire, cependant, était d'un autre avis. Mais aussitôt qu'il put, dans le ciel où nous sommes, ouvrir les yeux lui-même, il rit de son erreur. Et le fait qu'un mortel ait pu dire à la terre un mystère aussi grand ne doit pas t'étonner. Quelqu'un qui l'avait vu lui découvrit d'abord le secret de ce cercle et bien d'autres encore.